Oda, contre toi, Sarko, écoute-moi, facho, facho, facho. J'avais pas l'âge et ces Français, ils t'ont voté, mais on a trop, trop la rage et on doit tout supporter. À notre âge, on veut que notre petite liberté. On n'en peut plus de te voir au pouvoir, te supporter. Pendant 5 ans, on veut croire que tu peux tout changer. C'est déjà la merde et on pense que c'est pas du tout gagné. Gagné. Facho! On a marre de ta tête, y'a que toi, on le voit partout. Les médias, arrêtez, on en a marre de ce fumier. Bientôt on va devoir payer pour avoir le droit de s'exprimer. Fumier. Pour toi je donnerai pas un centime, mais je te chanterai mes belles rimes pour te faire comprendre qu'on en a marre de te payer pour faire la frime. Oda qui s'exprime, Sarko président, la France qui déprime. C'est trop délirant, c'est trop délirant. La France qui déprime, Sarko président, Oda qui s'exprime, Oda qui s'exprime, Sarko président, la France qui déprime. C'est trop délirant. Malgré ta petite taille, tu nous regardes haut, mais ne va pas croire que c'est toi le plus beau. Car dans la bataille contre toi Sarko, on te fout sur la paille. C'est nous les héros, et toi tes héros, sale petit Sarko. Sarko. Tu penses qu'à ta petite personne, on en a marre de t'écouter. Tout ce que tu veux, c'est nous baiser, en essayant de nous faire rêver. Je défends les étrangers, leur religion et leur passé. Tandis que toi, tu les descends en le faisant passer pour un grand tchik-pa-pa-pa. Tchik-pa, tchik-pa-pa-pa. Y'a tout qui fout le camp, la France qui déprime. Sarko, président, Oda et ses rimes. Oda et ses rimes, Sarko, président, la France qui déprime. Y'a tout qui fout le camp, y'a tout qui fout le camp, la France qui déprime, Sarko président, Oda et ses rimes. Quel est l'avenir de nos enfants avec un tel président? Comment qu'ils aient l'âge de voter pour pouvoir enfin te zapper et dire enfin à leurs parents, ça y est le nain, il fout le camp. Oda qui s'exprime, Sarko président, la France qui déprime, c'est trop délirant. Y'a tout qui fout le camp, la France qui déprime, Sarko président, Oda et ses rimes. Y'en a marre de cette vie, on a la rage, on a la haine contre ce petit Sarkozy. Y'en a marre de ces mots avec sa voix qui sonne faux. Y'en a marre de son rire, ses conneries, ses délires. Il va tous nous trahir, Sarko. Oda. Ma première chanson contre toi, S-A-R-K-O. Et oui, c'est moi A-D-O, T-K-O. Cric pa, cric pa pa pa, Oda, Oda.